Genèse chapitre 18. Puis l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente, pendant la chaleur du jour. Car levant ses yeux, il regarda, et voici, trois hommes parurent devant lui, et, les ayant aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente, et se prosterna en terre, et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. Comprenez, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre, et j'apporterai une bouchée de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venu vers votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais ce que tu as dit. » Abraham donc s'en allant dans la tente vers Sarah, et lui dit, « Hâte-toi. Prends trois mesures de fleurs de farine, pétris-les, et fais des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, et prit un veau tendre et bon, lequel il donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite il prit du beurre et du lait, et le veau qu'on avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « La voilà dans la tente. » Et l'un d'entre eux dit, « Je ne manquerai pas de retourner vers toi en ce même temps où nous sommes, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah l'écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, fort avancés en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont accoutumé d'avoir. Et Sarah rit en soi-même, et dit, « Étant vieille, et mon Seigneur étant fort âgé, aurais-je cette satisfaction ?» Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, en disant, « Serait-il vrai que j'aurai un enfant, étant vieille comme je suis ? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel ? Je retournerai vers toi en cette saison, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. » Et Sarah le nia, en disant, « Je n'ai point ri car elle eut peur. » Mais il dit, « Cela n'est pas, car tu as ri. » Et ces hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham marchait avec eux pour les conduire. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui ? Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses enfants, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. » Et l'Éternel dit, « Parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est augmenté, et que leur péché est fort aggravé, je descendrai maintenant, et je verrai s'ils ont fait entièrement, selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Ces hommes donc, partant de là, allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel, et Abraham s'approcha, et dit, « Feras-tu périr le juste même avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi ? Ne pardonneras-tu point à la ville, à cause des 50 justes qui y seront ? Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant, non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice ? Et l'Éternel dit, « Si je trouve en Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à tout le lieu pour l'amour d'eux. » Et Abraham répondit, en disant, « Voici, j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur, quoique je ne sois que poudre et que cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes, détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là ? » Et il lui répondit, « Je ne la détruirai point si j'y en trouve 45. » Et Abraham continua de lui parler, en disant, « Peut-être s'y en trouvera-t-il 40 ?» Et il dit, « Je ne la détruirai point pour l'amour des 40. » Et Abraham dit, « Je prie le Seigneur, de ne s'irriter pas si je parle encore, peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il dit, « Je ne la détruirai point si j'y en trouve 30. » Et Abraham dit, « Voici maintenant, j'ai pris la hardiesse de parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Et il dit, « Je ne la détruirai point pour l'amour des vingt. Et Abraham dit, je prie le Seigneur de ne s'irriter pas, je parlerai encore une seule fois, peut-être s'y en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai point pour l'amour des 10. Et l'Éternel s'en alla, quand il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham s'en retourna en son lieu.